ne pleut pas toujours en automne sur le sable des plages bretonnes. Il y a des nuages et du vent, il y a du soleil aussi souvent pour faire mentir les estivants. Mouiller les rochers ont le charme de tes yeux clairs. Baignée de larmes, je compte les jours et les semaines au café des ducs de Lorraine. Je pense encore au port de pêche, mais j'ai le cœur en cale sèche. Il va neiger sur Nancy, loin de toi je m'ennuie, loin de toi je m'ennuie. De la terrasse je vois les toits de tuiles rouges, je pense à l'ardoise de chez toi, au parc et au bateau qui bouge. De la terrasse je vois les toits de tuiles rouges, je pense à l'ardoise de chez toi, au parc et au bateau qui bouge. J'imagine la place noyée comme un phare Stanislas dressé, et les voitures comme les bateaux qui rentrent au port font des signaux. Les grilles se reflètent dans l'eau, mouillées les dorures ont le charme de tes yeux d'or. Baignée de larmes, de la terrasse je vois les toits de tuiles rouges, je pense à l'ardoise de chez toi, au parc et au bateau qui bouge. De la terrasse je vois les toits de tuiles rouges, je pense à l'ardoise de chez toi, au parc et au bateau qui bouge. Je ne vis plus à l'heure lorraine, mes pensées sont armoricaines. Je n'oublie pas le port de pêche, mais j'ai le cœur en cale sèche. Il va neiger sur Nancy, loin de toi je m'ennuie, loin de toi je m'ennuie. De la terrasse je vois les toits de tuiles rouges, je pense à l'ardoise de chez toi, au parc et au bateau qui bouge. De la terrasse je vois les toits de tuiles rouges, je pense à l'ardoise de chez toi, au parc et au bateau qui bouge. Je reste malgré le froid, la pluie tombe sur moi, sur la fontaine d'Amphitrite un pigeon se pose comme une